Hello, my friends. Welcome to French Pod. Today we've got an intermediate lesson. It's called Ordering a Pizza. My name is JP. Woohoo! Say it again. Say the name again of the lesson. Ordering a Pizza. Bonjour à tous. Je m'appelle Amaury. Amaury, you seem so excited. Oui, je suis très content d'avoir cette leçon aujourd'hui. Okay, me too. On va apprendre tout le vocabulaire relatif aux pizzas, JP. Oh, okay, this is important. Imagine, c'est un rêve. C'est un rêve que nous offrons aux auditeurs. Yes, yes, this is a dream lesson. Donc on va se retrouver juste au moment où la personne qui travaille dans la pizzeria décroche le téléphone. Okay. Et va prendre la commande. That magic moment of taking the delivery order. Oui. Donc comme d'habitude, nous avons un mot-clé. Okay. Qui est aujourd'hui livraison. Livraison, that's delivery. Oui. Okay. Well, that's an important word. Tout à fait quand on commande des pizzas. Mm-hmm. Mais bon, trêve de bavardage, on écoute le dialogue tout de suite. Allô pizza, bonjour. Bonjour, je voudrais commander une pizza pepperoni sans champignons et avec un supplément de fromage. Pour deux personnes? Non, pour quatre personnes, s'il vous plaît. Très bien. Une pizza pepperoni, quatre personnes, Sergio. Va bene. Autre chose? Oui, je voudrais aussi une reine, quatre personnes. Une reine, quatre personnes. Subito. Parfait. Alors, mademoiselle, pour deux pizzas achetées, vous avez une pizza et une bouteille de coca offerte. Que désirez-vous? C'est vrai, c'est une offre spéciale. Excellent. L'orientale, c'est bien celle avec des merguez, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Et la pizza fruits de mer? Avec des fruits de mer, c'est bien ça. Il faut vous décider, ce n'est pas la même chose. Alors, une orientale, 4 personnes. Très bien. La livraison prendra 30 à 40 minutes. Votre adresse, s'il vous plaît? Eh bien, moi, je trouve que c'est quand même une très belle offre. Hein. Oui, oui, tout à fait. It's a good deal. Oui, cette offre spéciale pour deux pizzas achetées, une pizza gratuite, plus une bouteille de coca. OK, yeah, three pizzas for the price of two and they'll throw in a bottle of Coke. Not bad. Pas mal. Mais bon, on va revenir au début de la conversation. OK. Donc, la personne décroche, dit « Allô, pizza ». Donc, évidemment, le nom de l'endroit qui existe à Paris. Ok. J'en ferai même un peu de publicité à la fin. Ok. Christella m'a dit que c'était vraiment une très bonne adresse. All right, and maybe they'll give you a deal the next time you go in. Peut-être. Vous pouvez dire, je viens de la part de French Pod. Donc, la personne dit bonjour et je voudrais commander une pizza pepperoni sans champignons et avec un supplément de fromage. Okay, let's start with the order. Je voudrais commander, this is vouloir, and it's in the conditional tense, so I would like to order. Oui, donc en français, on emploie cette forme conditionnelle. Just like in English. Eh ouais, qui est une manière polie aussi de demander. Okay, and it's pepperoni without mushrooms. I like mushrooms. Donc pour toi, ce serait une pizza pepperoni avec champignons, peut-être même avec un supplément de champignons. Un supplément, so this is the word for a supplement. In English, we would say extra, right? I would want extra mushrooms. This person wants extra cheese. Oui, un supplément de fromage. Okay. Donc cette pizza pepperoni et avec un supplément de fromage est pour 4 personnes. Right. Donc évidemment, il passe la commande à son collègue et il appelle Sergio. Sergio. Sergio, pardon. C'est pour ça qu'on entend ce va bene dans le dialogue. Okay, now that's Italian. Oui. All right, now you can learn that in Italian pod. Or you can learn in French pod right here. Oui. Va bene. C'est d'ailleurs Marco d'Italian pod qui fait la voix dans le dialogue. Okay, et cela veut dire très bien. Exactement. Et donc, Harry lui demande autre chose. Et ils sont quand même assez gourmands, puisqu'elle voudrait aussi une reine. Une reine. Now, I assume we're talking about a pizza. Reine means queen. So, what the heck is a queen pizza? C'est tout simplement un type de pizza, dont je donnerai les ingrédients un peu plus tard dans le podcast. Mais elle aurait pu commander un autre type de pizza, comme une pizza 4 fromages, par exemple. Oh, 4 cheese pizza. Voilà. En français, on peut dire une 4 fromages. OK. On n'est pas obligé de mettre le mot pizza. All right. Donc, c'est une pizza reine. OK. Donc, toujours pour 4 personnes. Et c'est là, comme on en parlait, qu'intervient l'offre spéciale. Puisque la personne qui travaille chez le pizza dit que pour deux pizzas achetées, okay, for the two pizzas that you buy, oui, vous avez une pizza et une bouteille de coca offerte. Okay, so they're going to throw in a free pizza and a bottle of Coke. Offerte is offered, so given. Oui. Et là, on a bien offerte. Puisque c'est une pizza et une bouteille de coca qui sont offertes. Right. That's why it ends in ES, offerte. Exactement. Donc, elle lui demande ce qu'elle veut. Que désirez-vous? Mm-hmm. Right, because if you get an extra pizza, you have to tell them which one, which kind. Bon, d'abord, cette jeune fille est surprise. Mm-hmm. C'est vrai, c'est une offre spéciale. Okay, is that a special deal? Mais bon, elle comprend, excellent. Mm-hmm. Et donc, elle demande plus d'explications concernant les pizzas disponibles et demande si, avec l'oriental, il y a bien des merguez. Okay, now first of all, oriental, this is another kind of pizza, right? Oui. And you're going to tell us what kind it is later? Oui. Okay. Now, I know in English we don't have a lot of set names for pizzas. Okay. You know, just we can name the ingredients that we want on it. Or we do have a Hawaiian pizza. Yeah. It's usually Canadian bacon and pineapple, but I know a lot of people don't like that, so... We have four cheeses as well, no? We have four cheeses, but we don't have anything like a queen pizza or orientale. Ouais. We don't have that many pizza formulas as you do in France. Ouais. Donc, en fait, vous ajoutez des garnitures sur une pizza. Yeah, we just name the toppings. We just okay. add the toppings. Okay. Now, orientale, she's asking if there's merguez in that, right? Oui. Okay, merguez is that spicy sausage that kind of reminds me of North Africa. Parce que ça vient d'Afrique du Nord, oui. Okay. Et c'est pas une saucisse typique française. No. On en mange beaucoup en France. Absolutely, yeah. Et c'est très bon, c'est épicé, comme t'as dit. Mm-hmm. It's lamb meat as well. Oui, majoritairement, elles sont faites d'agneau. Okay. Et toujours très épicé. Mm-hmm. On en trouve dans le couscous. Mm-hmm. Okay. And so this merguez sausage is one of the ingredients in the oriental. But let's go on. We're going to talk later exactly what an oriental is. Oui. Et alors elle hésite avec la pizza fruits de mer. Fruits de mer. Now, fruits de mer literally means fruits of the sea. We would say in English, we'd say seafood. Oui. Okay. Et là, comme il lui dit, ce n'est pas la même chose puisque d'un côté il y a des merguez. Right. Et de l'autre, ce sont des fruits de mer. Right, you gotta pick one or the other. Donc, il lui demande de se décider et elle opte pour l'oriental. Ok. Toujours 4 personnes. Donc, la commande est faite. Il faut maintenant savoir combien de temps va prendre la livraison. Ok, the delivery. Oui. Donc, il lui dit, la livraison prendra 30 à 40 minutes. Ok, so prendra, this is the verb prendre, oui. And it means to take, and you can use it to take time as well. Now, we have it here in the future tense, so the delivery will take, and then he says 30 à 40 minutes, so between 30 and 40 minutes. C'est ça. Et bien sûr, il a besoin de son adresse. Right. Tout simplement. All right, shall we listen to the dialogue again? C'est parti. Allô pizza, bonjour. Bonjour, je voudrais commander une pizza pepperoni sans champignons et avec un supplément de fromage. Pour 2 personnes? Non, pour 4 personnes, s'il vous plaît. Très bien. Une pizza pepperoni, 4 personnes, Sergio. Va bene. Autre chose? Oui, je voudrais aussi une reine, 4 personnes. Une reine, 4 personnes. Subito. Parfait. Alors, mademoiselle, pour 2 pizzas achetées, vous avez une pizza et une bouteille de coca offerte. Que désirez-vous? C'est vrai, c'est une offre spéciale. Excellent. L'oriental, c'est bien celle avec des merguez, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Et la pizza fruits de mer? Avec des fruits de mer, c'est bien ça. Il faut vous décider, ce n'est pas la même chose. Alors, une orientale, 4 personnes. Très bien. La livraison prendra 30 à 40 minutes. Votre adresse, s'il vous plaît? All right, we're back. Amaury, pizza is good in France. I've noticed this in the south there, you know, in Marseille and Avignon where I've been in Aix, the pizza is delicious. C'est vrai. Yes, absolutely. And in Paris too, and they put that oil on it. L'huile d'olive. Yes, ouais. But with spices in it. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Italiens en France. Mm-hmm. Et bon, bah, on est proche de l'Italie. Absolutely, yeah. On a cette chance. Mm-hmm. Donc, je crois qu'on a la possibilité en France de manger des pizzas authentiques. Yes. Comme en Italie, mm-hmm. qui sont yeah. bonnes. Mm-hmm. Yeah, and French people don't mess around with their pizza either. It's non. delicious. Et donc, si vous vous trouvez à Paris ou si vous y allez, mm-hmm. on vous recommande ici Allo Pizza, okay. qui est ouvert 7 jours sur 7 et qui, selon Christella, est une très bonne adresse. Okay. Et comme on a vu dans le dialogue, il a dit la livraison prendra 30 à 40 minutes, mm-hmm. mais aussi la livraison est gratuite. Oh, that's great. C'est bien, hein? Yeah, free delivery. Oui. Bon, il faut commander un minimum de 9 euros. Mais bon, 9 euros, quand tu vois qu'une pizza, une personne, coûte 8,50 euros, yeah. tu y arrives tout de suite. Absolutely. So, Amoury, tell us about these conventional pizzas, like the reine and the oriental. I want to hear all about them. Donc, la reine. The queen. Oui, on retrouve tomate, fromage, jambon, champignons, origan. Okay, so tomato, cheese, ham, mushroom and oregano. Oui, puis après on a cité la pizza fruits de mer. Okay, the seafood. Voilà, où c'est tomate, moule, crevette, calamar, origan. Oh, you're kidding me. So tomato sauce and then mussels, shrimp, calamari and oregano as well. Yeah. Mm-hmm. Delicious. Right. Et toi, JP, quelle est ta pizza préférée? Peut-être que je vais la retrouver ici. Je te dirai ce qu'ils mettent dedans. You know what? I am a fan of meat. So can you tell us about the oriental with merguez in it? D'accord. L'oriental comprend tomate, fromage, merguez, poivron, olive, origan. Yeah, I think that's the one. Yeah? Yeah, sausage and peppers. Ouais, voilà. Mm-hmm. C'est celle que tu prendrais. Yes, I'm getting hungry, Emily. Oui, voilà, maintenant il est temps d'y aller, malheureusement, il est temps de vous quitter. J'espère que vous avez apprécié cette leçon. Si nous n'avons pas cité votre type de pizza préféré, n'hésitez pas à venir nous le dire sur la page de discussion, ou si vous avez n'importe quelle question sur cette leçon, n'hésitez pas non plus, nous sommes là pour vous, nous sommes prêts à vous aider. Donc voilà, un seul site, frenchpod.com, on vous y attend. À bientôt. À la prochaine.